Comme on passe un été. Comme on passe un été le torrent sans danger, qui saoulait en hiver être roi de la plaine, et ravir par les champs d'une fuite hautaine l'espoir du laboureur et l'espoir du berger. Comme on voit les courts animaux outrager le courageux lion gisant dessus l'arène, ensanglanter leurs dents, et d'une audace vaine provoquer l'ennemi qui ne se peut venger. Et comme devant Troie, on vit des Grecs encore braver les moins vaillants autour du corps d'Hector. Ainsi, ceux qui jadis saoulaient à tête blasse du triomphe romain la gloire accompagnée, sur ces poudres tombeaux exercent leur audace et osent les vaincus, les vainqueurs dédaignés.